Voilà. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui ? La deuxième annonce. Eh bien, tout de suite après notre live, c'est la transmission du partage d'écoute de Clara Lévy. Donc, Clara Lévy est une violoniste qui va jouer ce soir à 21h. Elle va interpréter 13 visions, qui est une création d'après Hildegard von Bingen et Paulino Oliveros. Et donc, ce matin, aujourd'hui à midi, durant son partage d'écoute, elle viendra nous partager ses inspirations musicales pendant une heure. Ensuite, nous aurons l'ensemble Tactus, qui il me semble qu'on l'entend déjà depuis quelques jours dans la salle d'à côté, qui interprétera deux pièces de James Tenney et de Steve Reich, à savoir Having Never Written a Note for Percussion et puis Drumming. Et ça, ce sera à 17h, de 17h à 17h30. J'aime bien la description sur le... Le dépliant, c'est drum, drum, tam, tam. Et je trouve que c'est un peu, ça représente bien ce qu'on a vécu ces différents matins. Oui, s'il fallait deux onomatopées, ce serait celle-là. Voilà. À 19h, dans la grande salle, on entendra Hildegard von Bingen, des interprétations d'Hildegard von Bingen, Jörg Frey, Tom Gourin, Guillaume de Machaut. Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus, à part que ça va être très très beau et qu'il faut venir. Et les interprètes seront Nathalie Chabot, Hélène Faucher, Garth Knox, Sylvain Lemaître, Carl Robinson et Agnès Westermann. À 21h, comme je vous le disais plus tôt, on entendra au foyer de Sacha. Alors je ne sais pas où c'est d'ailleurs le foyer de Sacha, mais le concert de Clara Lévy, est-ce que quelqu'un sait où est le foyer de Sacha ? Il me semble que c'est en haut. De l'escalier, mais je peux me tromper. Très bien. C'est bien ça. Très bien, en tout cas c'est ici, c'est à l'espace Pitof. Et enfin, à 22h30, Anouk Janton et Lionel Marchetti interpréteront ensemble FASM, une œuvre musicale mixte pour haut-parleurs, violons, synthétiseurs et amplificateurs basse fréquence, suivie de la pièce Nord 5 Atlantica de Lionel Marchetti. Et si l'explication d'Antoine ne vous a pas suffi, vous pouvez réécouter l'interview que nous avons fait avec Anouk Janton il y a quelques minutes. Voir peut-être même les émissions de l'année dernière pour connaître un petit peu la genèse de cette radio qui nous amène à nous exprimer de cette manière aujourd'hui, ensemble. Voilà, et puis il est 12h02. Je ne sais pas si par rapport au retard des gens du haut... Pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Ouais, souvent, on dit pas panique. De nouvelles, bonnes nouvelles. Donc peut-être que... Non, j'entends des bruits de micro en haut. Donc, ils ont l'air d'être en train de s'installer. C'est peut-être un partage d'écoute bruitiste. Je crois qu'ils sont presque prêts. Suspense. Mais rien. Mais rien. Je vois Marie qui essaye de m'écrire des messages, mais il n'y a rien qui arrive. Ah mince, bon. Donc, on y est presque. Nous sommes tous suspendus au message de Marie Janson et on ne sait plus quoi vous raconter pour ces dernières minutes. Jérémy, quelque chose à dire ? Qu'est-ce que je peux raconter ? Tu vas revenir. Est-ce que tu peux nous préannoncer ce qui se passera à ta prochaine venue ? Oui, une sorte de teaser. Un teaser. Sauf que ce sera samedi. Mm-hmm. Oui. Du coup, parce qu'on a échangé avec Attila, donc demain c'est Attila. Samedi, peut-être je vais essayer de faire quelque chose avec ces histoires de bruit de parquet. Ce sera la dernière, d'ailleurs, parce qu'après dimanche, ça veut dire que ce sera re-Attila. Mm-hmm. Après, peut-être je lui propose, peut-être on fait un truc à deux, je sais pas. Ce serait cool. Une imitation de bruit de parquet ? Ouais, non, on va. Parce qu'on a commencé à. Il m'a proposé de faire un Oral Tools. On a commencé à bosser un peu sur deux, trois trucs. Peut-être on peut. Je lui proposais tout à l'heure, peut-être dimanche on peut faire un truc. Du coup, il faudra que je change le jingle, que je fasse. Non, il y a ou les deux. Ou ouais, les deux, puis à chaque fois il y a la réponse. Mais il faudra enlever la réponse. Ouais, non, je vais réenregistrer. Super, on se réjouit. Et voilà. Et Sinon, on peut faire l'enregistrement de la réponse maintenant pendant qu'on attend. On pourra faire le jingle en live comme ça. Pour le... Peut-être avec l'un de ses micros, ce serait. Ah ouais, je pourrais. Ouais. Alors, vas-y. Il faut trouver une blague. Parce... Une blague ? Ouais, un peu à TFI, Jean Chollet, ou les deux. Puis quelqu'un qui dit, bah, je... Oh, c'est les deux. Oui, c'est les deux, bravo. C'est bien, vous assistez au processus de création de Jérémy Chevalier en direct. Voilà, c'est pas... Je suis pas très fier, mais ça... D'ailleurs, c'est un très beau nom de duo, ou les deux. Ça pourrait être peut-être le début d'une collaboration ou d'une marque de microphone. Les deux. Les deux. Les deux, ça fait référence à la stéréo, évidemment. Exactement. Vous pourriez construire des couples de microphones. Ouais. C'est presque prêt. Ça, c'est en haut. C'est Tactus, c'est à côté. Non c'est Tactus. Oui. Moi, j'ai une question. Un micro pour Maria. Bonjour Jérémy. J'ai une question juste de micro. Est-ce que tu as aussi comme projet de construire peut-être une parabole, quelque chose peut-être d'un un peu large qui nous permettrait d'enregistrer vraiment des sons qui sont lointains, un peu comme voilà, l'hypercardio, mais en mode parabole en terre. Alors la parabole, j'y ai pensé, ouais. Je pense que je vais pencher là-dessus. Le problème, c'est que c'est assez fragile, donc le temps, enfin si c'est une grande parabole, faut essayer de la fixer le temps qu'elle sèche pour pas qu'elle s'affaisse. Donc il y a un peu toute une logistique à faire ça, peut-être la poser sur un ballon. Après un ballon c'est pas parabolique, c'est sphérique, donc faut trouver une forme qui soit un peu sphérique. Ou peut-être la retravailler après, je sais pas, mais ouais j'ai pensé à faire ça. À faire peut-être des modèles un peu plus grands. Peut-être pas trop grands non plus, parce que ça devient et intransportable et... Mais ouais, parce que effectivement, pour ceux qui savent pas, il y a deux types de manières de faire. Il y a deux écoles de manière de faire des micros directionnels. Il y a soit ces tubes d'interférence, soit le système parabolique. Et les systèmes paraboliques, c'est vrai, sont encore plus directionnels, sauf erreur. Ils peuvent aller, non? Toi, quand tu fais, je pense que ça dépend de la taille de la parabole aussi. Ouais, ouais, mais il me semble qu'ils sont beaucoup, encore plus. Plus ciblé. C'est les deux écoles, c'est ça qui est intéressant. C'est que le tube d'interférence, on va chercher à prendre le signal qui est en face et à éliminer ce qu'il y a autour. Alors que la parabole, on va pas éliminer ce qu'il y a autour, mais on va augmenter ce qu'il y a en face. Et c'est deux approches. Voilà, en haut. Voilà. Merci beaucoup. Et... Non, mais c'est vrai, c'est hyper intéressant, on pourrait continuer à discuter. C'est toujours un peu chaotique, c'est fin. C'est des fois pas, voilà, mais là c'est un peu chaotique aujourd'hui. Oui. On va continuer à discuter derrière, mais nous on va lancer le jingle pour vous laisser avec Clara Lévy au salon d'écoute, au partage d'écoute en haut. Et donc à demain. À demain. À demain. Archi Radio. La radio du festival Archipel. En direct de 10h à midi sur archipel.org.